À pas de chenille, tu avances. Couché sur le ventre, tu rampes, tu rampes. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le ventre, tu rampes, tu rampes. Avance la tête, avance une épaule, avance l'autre épaule, avance une hanche, avance l'autre hanche. Avance un genou, avance l'autre genou. Allonge le cou, avance une épaule. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses. Allonge le cou, avance une épaule, avance l'autre épaule, avance une fesse, avance l'autre fesse, pousse sur un pied, pousse sur l'autre pied. Té, té, té, té, té, té, té.